autres, avec notre ego, parce qu'on est sur le manuel, là, on fait constamment interférence avec le temps. Puis un homme qui vit dans le temps, qui connaît la loi du mouvement, qui est la loi du temps, aura et doit avoir tout ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est ce que vous appelez, vous autres, ce qu'il veut. Et ce qu'il veut fait partie du désir implanté dans son esprit pour le motiver à une action quelconque. Mais qui ne provient pas de l'ego, qui provient de la vision interne qu'il a dans son rapport avec l'art. Fait que si les autres disent... Ouais, il est temps que tu t'achètes une chaloupe. Tu vois pas de chaloupe. Tu sais, t'as pas de maison, t'as pas de rivière, t'as pas de lac, t'as pas de raison d'avoir une chaloupe. Mais les autres, ils veulent que t'aies une chaloupe. Fait que là, si tu s'en vas chez toi, tu t'achètes une chaloupe, mais elle va rester dans ta gare, c'est évident. T'as mal compris. Parce que t'es pas dans là, t'es dans ton temps. Tes écoutes pis tes couilles. Fait que tu s'en vas chez l'une, tu t'arrêtes une chaloupe. Là, t'apprends par ton expérience. Mais s'ils disent, faut que t'ailles, parce qu'ils peuvent te parler de même. Pis c'est exactement ce qui se produit dans vos vies à cet instant. Parce qu'il y en a qui sont d'après s'acheter des maisons, là, pis ça fait des transactions. Parce que des tremblements de terre. Ils vont parler des tremblements de terre, tu sais. Le fleuve va couler, là, pis les bords, là. Acheter, va t'acheter une maison. Le gars, il s'en va, il y a l'argent en banque, il s'en va t'acheter une maison. Beau niaise, là. Mais s'ils disent que t'as besoin d'une chaloupe, attends. Un jour, la vibration va être telle que tu vas savoir que t'as besoin d'une chaloupe. Puis là, à ce moment-là, tu vas dire, ah, c'est ça que tu voulais dire. Il va dire, ouais. Là, tu vas faire les mouvements pendant quelque temps, tu vas être dans ton téléphone. C'est de même. Il faut comprendre le mouvement. Puis la relation avec l'intelligence universelle en soi. C'est ça que je dis tout le temps. Faut jamais les croire. Les gens disent, comment ça fait? Tu me dis, faut pas les croire, faut les écouter. Ils comprennent pas ça. Ça se comprend pas parce que c'est pas logique. T'es écoute à ce qu'ils disent. Faut que t'aies besoin d'une chaloupe. Donc au moins, ça te permet de savoir que tu vas avoir une chaloupe quelque part. Puis quand t'as la vibration, mais tu vas avoir le désir d'aller chercher la chaloupe, tu vas avoir la force pour aller chercher la chaloupe, puis tu vas chercher la chaloupe. Comment on dit, t'attends d'avoir la vibration pour le faire. C'est ça. Vous, le seul temps que vous pouvez les écouter, c'est quand vous avez de la vibration pour faire ce qu'ils vous disent. Mm-hmm. Puis dans ce temps-là, ils coupent le dialogue, vous fonctionnez simplement sur l'énergie de votre désir personnel, qui est lié avec votre vouloir personnel et votre volonté personnelle. Comprenez-les bien, ce point-là est bien marrant. Mm-hmm. Alors, ils vous parlent, il faut pas les écouter, il faut pas les croire, il faut les écouter. Quand c'est le temps de manifester dans la matière ce qu'ils vous ont dit avant, à ce moment-là, ils vous coupent la communication, vous tombez simplement sur la vibration, vous faites les mouvements, parce qu'ils ont descendu la vibration de votre savoir au niveau de votre vouloir. Ouais, OK. OK? Ils l'ont descendu du savoir au vouloir, puis rendu, quand c'est rendu au niveau du vouloir, à ce moment-là, vous avez l'énergie pour aller chercher votre chaloupe, parce que c'est le temps, vous avez un camp, vous avez de l'eau, vous avez quelque chose. Je raffine un peu ce que j'ai dit avant. Bernard, quel effet a produit la cage, le cul? L'effet à maison? Mmh. Ah, ils ont trouvé ça beau. À flip juste. Mmh. Ah. Ah, moi, j'aime pas moi non. Ça ne dit rien, oui. Fuck you. Thank you. Il n'y a pas de mono dedans, là. Pas le temps. Peut-être qu'un jour, on va trouver un cube que je vais aimer. Je m'en vais. Tu n'irais pas avant 8 mois, moi. Faut que j'attende 8 mois pour avoir mon mono. Tu nous dis qu'il faut se protéger matériellement. C'est bien important pour le futur. Par contre, notre énergie, elle semble diminuer. Ça veut dire qu'on va travailler moins, on va produire moins. Comment est-ce qu'on va se protéger de son rapportement? Parce qu'éventuellement, vous allez avoir besoin de moins. Votre psychologie va shifter. La psychologie de l'ego et la psychologie de l'âme. Vous allez shifter du plan psychologique humain au matériel au plan psychologique interne. Puis à ce moment-là, vous allez avoir besoin de moins pour être aussi bien ou mieux dans votre peau. Fait qu'à ce moment-là, mais votre énergie va coïncider avec l'autre situation. Ou ça peut être le contraire. Peut-être que, moi, j'étais un cas

Mais je vivrai pas là. Parce qu'il vient un point où là, je n'ai assez, là, de là. Je m'en reviens. Mais je vais être en enfer, puis je m'amuse parce que dans l'enfer, il y a de belles choses. Parce qu'à Montréal, il n'y a rien. Tu vas à Paris, c'est la même chose, de belles choses. Va s'étonner. Parce que l'homme fait des belles choses. Mais quand je vais à Paris, je m'en vais chez nous. Puis quand je veux m'amuser, me rincer l'œil, je vois où il y a des belles choses. Parce que le point, il est là. Il dit qu'il faut que l'intérieur et l'extérieur soient toujours balancés. Parce que quand vous êtes spirituel, quand vous êtes mystique, tu peux t'asseoir sur ton petit sur le top d'une montagne de Tibet. C'est fun. Tu sais, t'es parti, là. T'es dans le nirvana. Ça, c'est un plan. Mais tu deviens les gueules. Mais quand tu te conscientises, puis que tu dépasses la spiritualité. L'intérieur et l'extérieur sont balancés comme le chaud et le froid. C'est ça la différence entre la conscience cosmique sur la Terre et la conscience spirituelle sur la Terre. La conscience spirituelle, c'est une joie. La conscience cosmique, c'est le froid et le chaud balancés. Ce qui est en haut est en bas. Équilibre. Sans ça, tu peux pas créer une civilisation. C'est pas les hindous qui vont créer une civilisation. La misère, c'est un chien. On va voir un gourou. Les gourous ne peuvent pas créer de civilisation, ils peuvent spiritualiser les hommes. Pour les amener, ces hommes-là, un jour, à rencontrer d'autres hommes qui les amèneront à la conscience, qui les amèneront éventuellement à des niveaux de conscience, d'énergie, qui leur permettront de créer une civilisation. On est sur la planète pour créer des civilisations. On n'est pas sur la planète pour être des légumes. Ça arrête un jour, les légumes. La Terre, ça a été un jardin pendant longtemps, puis ça devient un autre centre d'énergie. Ah! C'est pour ça que je dis, la façon où vous l'expliquez, c'est pas la façon précise. Parce que quand tu vis intérieurement, quand t'es intérieur, t'es intérieur. Fait que si t'es seul, t'es bien, si t'es dans l'enfer, t'es bien pareil. Puis quand t'es allé dans l'enfer, tu sors de là, tu t'en vas quelque part, tu t'en vas chez vous. Moi, je vais en ville de temps en temps à Montréal, puis j'ai des affaires à faire. Puis je reviens le soir, puis je suis content d'arriver chez nous. Parce que c'est mon environnement que j'ai créé. Mais au moins, quand je vais en ville, j'y vais parce que je veux, puis je fais, puis j'ai le plaisir d'aller en ville pour ce que je veux. Fait que j'ai the best of the two worlds. L'homme a le droit de vivre intérieurement au bout et de vivre extérieurement au bout. Ça, c'est de l'équilibre. Le reste, c'est de la connerie. Puis on a été des cons depuis 12 000 ans. Il est temps qu'on se réveille. Moi, quand j'étais allé aux États-Unis, j'ai eu une chance, parce que à cause de mes contacts scientifiques, j'ai eu une chance de visiter RAND Corporation, le gros think tank américain. C'est extraordinaire ce que les hommes peuvent faire. Malheureusement, l'homme, avec son ego. Mais ce que c'est extraordinaire! Quand on se conscientise, on est intéressé à vivre les deux mondes, intérieur et extérieur. Et on est intéressé à se rincer l'œil. Tu te rinces l'œil constamment. Tu voyages. Tu vas voir le beau parce que t'es sensible. Fait que tu vas voir le beau, tu vas voir ce qui est intéressant. Et tu crées dans ta conscience astrale une vibration qui est liée à l'esthétique. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'esthétique. Aime l'esthétique. La technologie, c'est de l'art. C'est un art, la technologie. Si jamais vous allez en Allemagne regarder les plans de manufacture de Mercedes-Benz, je vois que c'est quelque chose. C'est extraordinaire! Ah, c'est quoi ça? C'est l'énergie de l'âme dans l'homme, à un niveau très avancé, mais qui n'est pas fini, qui peut servir pour le bien ou pour le mal. Le travail est très beau. Dans n'importe quel domaine, c'est toi qui éventuellement s'intéresse à tout. Moi, je m'intéresse à tout. Les bijoux de femme, les linges, les souliers, je m'intéresse à tout. Parce que, où il y a du beau, il y a de l'intérêt à avoir. Ma femme, elle aime ça magasiner avec moi. Je comprends. J'allais à New York une fois. On est tous au à New York, on a visité les magasins. On a visité au bout de... Hé, tous les amis qui se promènent avec sa femme qui attire par la main dans les magasins. Lisez les magasins. Je l'ai amené chez Cartier, je l'ai amené chez partout. J'ai montré des diamants, des broches. Tu sais, les femmes, aiment ça. Ils battent. Des robes, je suis allé chez Saks avec elle. J'espère que vous en avez acheté. Non. C'était pas le temps.